Qué monstre, pas trop courir pour les pesos. Des fois, j'en oublie que t'es précieuse. J'avoue que je suis rempli de défauts, mais pour toi, je reste quand même le numéro uno. Il n'y a rien que je ne ferai pas pour t'avoir, et tu consentes que je serai prêt à tout. Et même quand tu me dis que je ne veux rien savoir, ta façon de me regarder me dévoile tout. C'est toi et moi, jusqu'à la mort, à moitié addict, t'en veux encore. C'est toi et moi, jusqu'à la mort, à moitié addict, t'en veux encore. J'avoue que je suis rempli de défauts, mais pour toi, je reste quand même le numéro uno.